Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie française. Jean-Pierre, récemment retraité, est hypocondriaque. Sa femme, Anne, le trompe avec un ancien collègue de bureau. Sa fille Cathy, divorcée et mère d'un petit garçon de 5 ans, vit avec Philippe, un brave garçon que Mathieu, le frère homo de Cathy, appelle Bac-6. Quand Jean-Pierre découvre une petite tache sur sa peau, au niveau de sa hanche droite, que Cathy lui annonce qu'elle épouse Bac-6, que Mathieu se fait larguer parce qu'il hésite à inviter son amant au mariage de sa sœur, et que Jean-Pierre apprend fortuitement que sa femme le trompe, l'équilibre familial implose. Cathy a appelé, ils viennent déjeuner demain. Oh putain, il manquait plus que ça. Tant qu'ils se marient pas, on compte faire ça au printemps. Je vais chercher du champagne. Tu te rends compte, il va faire partie de la famille maintenant. On va le voir tout le temps jusqu'à ce qu'on meure ou qu'on émigre. C'est pas belle la vie? Je sais pas, je vais voir. J'ai envie d'être avec toi au mariage de ta soeur. Mais tu vas te faire chier. Moi, ça me ferait très plaisir qu'ils viennent. On va finalement rencontrer le... Enfin, l'ami de Mathieu. Oui, bah son mec, maman. Ça, j'y arrive pas, Catherine. Que des hommes couchent ensemble, je peux l'imaginer. Pendant les longues missions en mer ou dans l'espace pour regarder la bonne humeur, ça me choque pas. C'est un peu comme une activité sportive. Non, ce qui me dérange, c'est l'idée de deux hommes qui vont acheter des meubles ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes dans cette famille? J'ai traversé une petite zone de turbulence ces derniers temps. Et maintenant, c'est sous contrôle. Une petite zone de turbulence. Michel Blanc, Miu Miu, Mélanie Doutet, un DVD UGC.